Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs, au moins, de notre esprit. Hola. Je vous ai dit, en paroles bien claires, que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez. On va dans peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir amené chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence. Et c'est du grec, madame. Autant comme de France. Du grec? Oh, ciel, du grec. Il sait du grec, ma sœur. Oh, ma mielle, du grec? Du grec, quelle douceur! Quoi? Monsieur sait du grec? Oh, permettez de grâce, que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. Et j'aurais pu troubler quelque docte entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers, ainsi qu'en prose. Il pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, aux cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui partout va gueuser des encens. Si les premiers venus saisissant les oreilles en fait le plus souvent les martyrs de ses veines. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Et d'un grec là-dessus, je suis le sentiment qui par un dogme exprès défend à tous les sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers. Pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en 12 apprêts Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux qui laisse de bien loin votre Horace après vous. Est-il rayon d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on rien voir d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Aux balades, surtout, vous êtes admirable. Et dans les bourrimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix, si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade. Et je veux que tout net vous manque. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'un homme point flatté, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens, pourtant, le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'en suis pas du tout. et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Mais préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous, moi, je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait. Ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma ballade. La ballade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps. La ballade, pourtant, charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a, pour les pédants, de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez seulement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit Garimaud, barbouilleur de papier. Lui, rimeur de balles, opprobre du métier. Allez, fripier d'écrit, impudent plagiat. Allez, Christ. Eh, messieurs, que prétendez-vous faire? Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait ta TV estropier Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie au vin, tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne, en passant, une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au palais sont révère. Mais jamais, dans ses vers, il ne te laisse en paix et l'on t'y voit partout être en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens, oh plus honorable. Il te met dans la foule, ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups, contre moi redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se crois jamais victorieux. La plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne sera te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous verrons, c'est la seule. C'est Barbin. À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. J'aime très aimant et dans tout ce qu'on dit, il faut se tremper nez pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête. Et j'aime mieux n'avoir que de commun propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère. Un éclat d'un moment et qui n'est attaché qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un billet de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances. Et la pensée, enfin, où mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur. Je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère. Oui, vous, faites la sotte un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est un hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame. Et cet hymen dont je vois qu'on m'honore me met. Bon, monsieur, il n'est pas fait encore. Ne vous pressez pas tant. Comme vous répondez, savez-vous bien que si. Suffit. Vous m'entendez. Elle se rendra sage. Allons. Laissons-la faire. On va briller pour vous, l'esprit. de notre mère. Et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée. Je vous le cède tout, comme à ma sœur aînée. Si l'hymen, comme à vous, me paraissait charmant, j'accepterais votre offre avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain par votre résistance. Allons, ma fille, il faut approuver mon dessein. Ôtez ce gant, touchez un monsieur dans la main, et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos vœux une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord. Et c'est un autre époux. Taisez-vous, Puronelle. Allez philosopher tout le sou avec elle. Et de mes actions, ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée. Et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons, mec. Fort bien. Vous faites des merveilles. Quel transport, quelle joie. Ah, que mon sort est doux. Alors, prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Les douces caresses. Tenez, mon cœur s'émeut à toutes ces tendresses. Cela regaillardit tout à fait mes vieux jours. Et je me ressouviens de mes jeunes amours.